voiture. Nous on préfère flâner dans les bois. Jamais les filles et les garçons ne chanteront la même chanson. Sur bien des choses encore ils ne sont pas, ne sont jamais d'accord. L'amour en hiver, pris par les neiges au cœur d'un chalet.